Ouais. Sacrof. Mystère. Calife. L'homme. Le mal sonore, c'est transmissible. MST. Toujours les mêmes, voilà pourquoi je m'arrêterai pas. J'avoue les mecs, la musique, on a bien fait d'y mettre les pieds. M-I-C-R-O, C-L-I-M-A-T. T'as capté la chose, c'est libre qu'est mettre la paix. Mes lignes viennent éclater comme un typhon sur ta côte ouest. C'est pas là que je vais m'arrêter, si besoin d'aide, ben je t'accosterai. Fais pas causette, si tu parles derrière, puis tu méprises. Nous comme tout le monde on sait, que sans amis le bitume est gris. Y'a de la prod qui tourne et un stud qui se monte. Crédible et tenir la roue, ouais c'est le seul truc qui compte. Parfois on me fait des roses, inconsciemment les épines coupent. Mais je me monte pas la tête, le taf, le son, je mène une vie de coupe. Celle-là c'est pour ma miss, mon cœur pour elle, la messe est dite. Ouais je suis même acharné, mais je me calmerai jamais, c'est dead. Je rappe et je fais sourire les frères, voilà pourquoi je m'arrêterai pas. L'équipe t'a soumis au 16, normal on m'arrête très tard. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas son génie. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On part pas sans dire que le rap c'est notre oxygène. Et faut faire gaffe à l'incendie. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On part pas sans dire que le rap c'est notre oxygène. Et faut faire gaffe à l'incendie. Chacun fait son taf, chez nous y'a pas de protocole. Un stock de rage, mais c'est sur un truc mes protocoles. Les pros déconnent, ils déguisent le rap de quotidien. Les cours d'école croulent sous les coups de poing et pas les coups de crayon. Voilà l'une des raisons qui fait que je m'arrêterai pas. J'étais brisé par leur billard, fuck. Ma rime très barre, j'dis pas que c'est la plus fine et je m'arrêterai pas de la taffer. Et si mon discours manque de poids, j'essaierai de l'étoffer. L'étouffer sera impossible parce que c'est tout ce que l'on possède. Pas de postiche ou de fossiles, notre hip-hop à la possède. On continuera à prôner des valeurs essentielles, dénoncer les injustices dans l'espoir de vivre sans elle. On persistera pour nos proches qu'on pas pu le faire. La vie a voulu nous empoisonner mais on n'a pas pu le faire. Ça a pu le faire forger, car je suis un mec à l'ancienne. Et pour faire forger, tellement écrit que mes cales en scène. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, pas que ça dort. On doit pas sentir que le rap c'est notre oxygène. Mais faut faire gaffe à l'incendie. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, pas que ça dort. On doit pas sentir que le rap c'est notre oxygène. Mais faut faire gaffe à l'incendie. Je sors de nulle part, je mélange, je suis pas prêt de m'arrêter. Si un jour je prends ma place, c'est que je l'avais mérité. Depuis 72 mois j'écris, je crie, je décris mon état d'esprit. J'ai la mine grise mais je maîtrise le pic comme une épée d'escrime. Je suis pas prêt de m'arrêter, s'il y a un mur je l'escalade. Les gens se disent c'est qui ce gars-là, il a la rage, il est malade. Mais non, moi je vais très bien, pas besoin de médecin pour me soigner. Je suis pas prêt de m'arrêter même avec les menottes au poignet. Et si la porte n'a pas de poignée, je fais sauter la serrure. Je suis MC déterminé, ça c'est rare, c'est sûr. Le rituel calife, un featuring qui fait mal. Calife c'est pas le touriste, pourtant certains se demandent ce qui fait hal. Je me fais plaisir c'est tout, oublie le bâton dans les roues. J'esquive les rats, je suis coléreux sauf quand je fume des slips bien les roues. J'avance jamais en retrait, je pars. Si je vois le coche, je le raterai pas. Mon art, c'est ma vie, voilà pourquoi je m'arrêterai pas. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On ne va pas sentir que le rap c'est notre oxygène. Mais faut faire gaffe à l'incendie. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On ne va pas sentir que le rap c'est notre oxygène. Mais faut faire gaffe à l'incendie. Partie de moins que rien, voilà pourquoi je m'arrêterai pas. Les jours présents deviennent écœurants. Mon temps et le temps paraissent maussables. Gardez le courage, arrête de croire que la paresse te soigne. D'un monde injuste, l'argent est roi. Nous nous sommes pas responsables. Je demande un geste, ouvrir son cœur et restons sages. Voilà pourquoi je m'arrêterai pas. Ici la rétine parle, la routine pèse. Truc agaçant quand je pars au taf. La patrouille tape un contrôle. L'équipe en retard, ça roule à fond. Parfois je les croise trois fois par jour. Check mes papiers, ils me font les poches. Comprends les coups, ce qu'ils viennent par jour. Tous méprisés, la folie prêche. Ça passe l'éponge devant l'injustice. L'ultime pétage de plomb, frôler justesse. Le point de nos retours, le seul remède, kicker la boucle. Juste la clé manque, microclimat, SMK, SAS, démarre. Voilà pourquoi je m'arrêterai pas. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On part pas sans dire que le rap c'est notre oxygène. Faut faire gaffe à l'incendie. On s'arrêtera jamais, on laisse parler le génie. On s'arrêtera jamais, tu comprends pas ce qu'on gémit. On veut que ça dure, crois pas que ça dort. On part pas sans dire que le rap c'est notre oxygène. Faut faire gaffe à l'incendie. Je vais les faire frétiller moi les cornes. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux.